بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لونج الله en cette nuit du 28 شوال 1441 qui correspond au 19 juin 2020. On se retrouve sur les ondes de la radio Imam Malik pour profiter ensemble des leçons d'une assise que notre noble cheikh, Cheikh Ubaid Hafidhahullah, a fait à la mosquée Redouane à Médine le 15 Jumada 1er en 1436. Durant laquelle il a déduit un certain nombre de leçons du hadith du messager d'Allah, rapporté par Al-Bukhari, par l'imam Bukhari, rahimahullah, dans le livre d'Ur-Riqaq, dans le chapitre L'avertissement contre eux, le fait de rivaliser sur les biens de ce bas monde. Riqaq, ce sont des hadiths qui traitent de choses qui adoucissent le cœur et qui plantent l'amour d'Allah et la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le hadith de ce soir en fait partie de Riqaq. Par Allah, ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous. Qala hafidhahullah wa matta'a bih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد، قال القارئ: فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافته صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفا تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. وأخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, dans ce hadith, envoyé Aba Ubaïda ibn al-Jarrah al-Bahrain afin de récolter le jizya, la taxe que payent les mécréants aux gouverneurs musulmans pour être protégés dans le pays de l'islam et pour rester sur leur religion. Donc Aba Ubaïda Ibn al-Jarrah a été envoyé par le prophète alayhi salam afin de ramener la jizya de l'Bahreïn. Lorsque l'Ansar apprirent le retour d'Aba Ubaïda de l'Bahreïn, ils prirent part à l'accomplissement de Salat al-Fajr en compagnie du prophète alayhi salam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam clôtura la prière, il s'apprêtait à partir, l'Ansar l'interceptèrent. Le prophète sourit, puis leur dit: vous êtes informés du retour d'Aba Ubaïda et qu'il a ramené quelque chose de l'Bahreïn? Ils ont dit oui, ô messager d'Allah. Et il leur a dit, réjouissez-vous et ayez bon espoir de récolter ce qui va vous procurer la joie. Par Allah, ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, mais je crains qu'avec l'accès aux largesses de ce bas monde, comme en ont bénéficié vos prédécesseurs, que vous rivalisiez à amasser les biens de ce bas monde qui vont vous distraire comme ils les ont distraits. Hadith aussi rapporté par Muslim dans le Kitab Zuhd wa Raqa'iq. قال الشيخ حفظه الله ومتع به هذا حديث عظيم كبير القدر يحوي فوائد جمة. الفائدة الأولى أن أهل البحرين وكانت تطلق على الأحساء وما يعرف اليوم بالبحرين وغيرها لم تكن من أهل الإسلام بل كانوا من النصارى وفيها من اليهود من فيها فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية وهذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Notre noble cheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, et allons sa vie dans son obéissance, a dit, ceci est un immense hadith qui a une grande valeur et qui renferme beaucoup de leçons. Dit la première des leçons à retenir, c'est que les habitants d'Al Bahrain, qui étaient nommés auparavant l'Ihsa, et qui est connu aujourd'hui par le Bahrain, et autres, n'étaient pas des gens de l'islam. Ils étaient juifs et chrétiens. Le messager a eu un pacte de réconciliation avec eux et les a soumis à la jizya. Et ça, c'est une sunna instaurée par le messager d'Allah. قال حفظه الله فالآبون عن الإسلام وعن الدخول في الإسلام قسمان. الأول قسم يرضون بفرض الجزية عليهم مع بقائهم على ما هم عليه. فيقرهم الإمام القائم على ذلك ويأخذ الجزية منهم. الثاني وقسم يأبون الدخول في الإسلام ويأبون الجزية فيقاتلهم الإمام القائم. الذي حمده الله تعالى ها. Ceux qui refusent l'islam sont deux catégories. La première catégorie, ceux qui veulent rester dans leur religion, et le gouverneur musulman les approuve sur cela en leur faisant payer la jizya. La deuxième catégorie, ceux qui refusent l'islam et refusent la jizya. Et cela, le gouverneur musulman les combat. يقول حفظه الله وتمة قسم ثالث وهو من بينهم وبين إمام المسلمين مواثيق وعهود فهؤلاء يبقون على ما هم عليه وإن لم يدفعوا الجزية. والقاعدة العامة النظر المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا ترجح وهذا مرده إلى شرع الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم في حياته إلى شخصه وإلى سنته بعد مماته. إلى حفظه الله. Il y a une troisième catégorie de gens, ceux qui ont un pacte avec le gouverneur musulman. Ceux-là restent dans leur situation, même s'ils ne payent pas la jizya, car la règle générale dit que repousser le mal prédomine sur le fait de chercher à acquérir un bien. Et ceci se traite par la législation d'Allah. Il revient au messager d'Allah durant sa vie et à sa sunna après sa mort. يقول حفظه الله وبهذا يعلم أنه ليس لكل أحد وبهذا يعلم أنه ليس لكل أحد أن يرفع لواء حرب على من ليس مسلما من يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بودي أو غيرهم، بل هذا لحكام المسلمين هم الذين ينظرون ومن معهم من أهل العلم والفضل أهل الفقه والرسوخ في السنة ويقررون وبقية المسلمين تبع لهم. Il dit حفظه الله partant de là, il n'appartient à personne de nouer un étendard de guerre contre eux, des non-musulmans, que ce soit les juifs ou chrétiens, ou zoroastriens, bouddhistes ou autres. Cela, c'est la fonction des gouverneurs. C'est eux qui analysent avec les spécialistes, avec les hommes de la science et les hommes de la sunna. Ils analysent la situation et c'est eux qui décident. Et les musulmans, la masse musulmane les suivent dans leurs décisions. Tout ceci appartient aux gouverneurs. Et les populations doivent suivre tout simplement leur gouverneur. Et le gouverneur, lui, il se concerte avec les hommes de science, avec les spécialistes, etc. Et c'est à lui de décider après. Et ils n'appartiennent pas à qui que ce soit de dire « Ah, là, c'est un mécréant, je le tue, abadan » ou de louer un état d'art et de le lever. Hein? Ceci, c'est la voix des anarchistes et la voix des khawarij. الفائدة الثانية يجوز لذوي الحاجات من فقراء ومساكين أن يطلبوا من بيت مال المسلمين عن طريق حاكمهم والحاكم القائم يعطي مما هو في سعته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإذا أعطاهم الإمام قبلوا وإن لم يعطيهم لم يسخطوا. Et il dit, Habibullah Ta'ala, la deuxième leçon, dans ce hadith, il est permis aux nécessiteux et aux pauvres de demander aux gouverneurs, de demander à leur gouverneur de l'aide, hein, de la trésorerie musulmane. Et le gouverneur leur donne selon ses capacités et selon les moyens qu'il a. Allah n'impose pas aux personnes, aux gouverneurs et autres, ce qu'ils ne peuvent pas faire. C'est l'imam leur donne, ils acceptent ce que l'imam leur a donné. Et s'il leur a rien donné, ils ne doivent pas se lamenter. يقول حفظه الله وقد ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوعد بوعد الله من كان مبايعته للإمام من كان مبايعته للإمام للحاكم الإمام المسلم من أجل الدنيا إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطي منها سخط وذكره صلى الله عليه وسلم في حديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Il dit, Habibullah Ta'ala, wa matta'a bih. Le messager d'Allah a blâmé et averti par un avertissement d'Allah celui qui a fait l'allégeance au gouverneur musulman pour ce bas monde. S'il lui donne de ce bas monde, il est satisfait. Ou s'il lui donne pas, il se lamente et critique. Et donc, hein, le bas monde rentre les fonctions, etc. Et tout ce que le gouverneur peut donner. Le messager a cité ce genre de personne dans un hadith rapporté par Abu Daoud. Il l'a cité dans un hadith dans lequel il y a un avertissement. Et il a dit, alayhi salatu salam, trois personnes. Allah ne leur adresse pas la parole. Et ne les regarde pas le jour de la résurrection. Et ne les purifie pas. Et ils auront un châtiment douloureux. Et fait partie de ces trois personnes, celui qui fait l'allégeance à son gouverneur musulman pour les pécunes de ce bas monde. Voyez un peu l'avertissement sur lequel il est. يقول حفظه الله وأس الخوارج ذو الخويصرة الذي ثار في وجهي أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم ثار في وجه محمد صلى الله عليه وسلم ثار من أجل عرض الدنيا فقال اتق الله يا محمد هكذا قال وقال والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أو قال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله. إلي حفظه الله et l'origine des Khawarij, d'Ul Khouaïsira. Cet homme qui s'est rébellé devant la plus noble créature, Muhammad alayhi salam. Il s'est révélé pour les pécunes de ce bas monde. Et il a dit, en s'adressant au messager, préserve les droits d'Allah, ô Muhammad, comme il rapporte chez le Bukhari. Ainsi il a dit, et il a dit au messager alayhi salam, ceci n'est pas un partage avec lequel est cherché la face d'Allah. Ainsi, rapporté chez l'imam Bukhari. Et donc, ainsi de l'Khouaïsir a dit, au messager alayhi salatu salam, le messager lui a dit, malheur à toi, ne suis-je pas la personne qui doit au mieux préserver les droits d'Allah sur terre? يقول حفظه الله أما الأنصار والمهاجرون من قريش لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم القسمة وأعطى بعض صناديد العرب ومن أجل ذلك اعترض عليه هذا الخبيث اللئيم وما هو من أهل الإيمان في شيء بل هو منافق وإن كان من أهل الإيمان ظاهرا غضب الأنصار نوعا ما أول الأمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتألفهم فسكنوا رضي الله عنهم لعلمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بأمر الله وعمل لمصلحة الإسلام وأهله كنت الأنصار المهاجرون de قريش quand le prophète a partagé l'argent qui est arrivé et a donné à certaines personnalités de Quraysh. C'est pour ça que c'est un pur de l'Khouaïsira, qui ne fait pas partie des cheikhs, des gens de la foi. Et c'est un hypocrite, même si, dans l'apparence, il fait partie des gens de la foi. Il dit, c'est pour ça qu'il s'est opposé au messager, alayhi salatu salam. Et il a dit, Habidahullah, l'Ansar, ce sont un peu aussi ont trouvé quelque chose dans leur cœur, au début. Quand ils ont vu comment il a donné à certaines, personnalités de Quraysh. Et le prophète, l'Ansar, ce sont un petit peu ont trouvé quelque chose dans leur cœur, au début. Mais quand le prophète leur a expliqué qu'il essaie de les rallier, ces personnalités à l'islam, l'Ansar se sont apaisés, car ils savent que le messager alayhi salatu salam a agi conformément à l'ordre d'Allah et qu'il a agi pour l'intérêt de l'islam et des musulmans. يقول حفظه الله ومن هنا تعلمون بارك الله فيكم أن أهل الثورات الذين تسمعون بهم ما بين الفينة والفينة لا يثورون من أجل شرع الله ومن أجل تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما من أجل الدنيا والمناصب فلو كانت تحكمهم شريعة الله وتحكمهم سنة محمد صلى الله عليه وسلم لانشغلوا بأنفسهم وسعوا في مناكب الأرض وطلبوا القوت بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من وسائل التكسب إلدي حفظه الله Partons de là. Vous savez qu'Allah vous bénisse, que les rebelles, les révolutionnaires que vous entendez se rebeller contre les gouverneurs par moments dans les pays de l'islam, ils ne se rebellent pas pour la législation d'Allah ou pour que soient appliquées les lois du livre d'Allah. Il est sunna de son messager, alayhi salatu salam. Mais il se rebelle pour les postes, pour les biens de ce bas monde. S'il mettait en application, le livre et la sunna, ils se seraient occupés d'eux-mêmes. Ils chercheraient leur subsistance sur terre avec les moyens qu'Allah leur a donnés et a mis, entre leurs mains. يقول حفظه الله وعلى سبيل المثال معارضو سوريا ماذا صنعت ثورتهم لم يثوروا على بشار الملعون بن الملعون بشار بن حافظ الأسد الكافر بن الكافر من أجل جهاد كافر ومسلم أو من أجل جهاد بين كافر ومسلم لا ليس من أجل العقيدة فلو كانت تحكمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوه وشأنه. إلي حفظه الله تعالى regardez la Syrie. Il dit, prenez l'exemple des opposants en Syrie. Où ça les a emmenés, leur révolte et leur rébellion? Ils ne se sont pas rébellés et ils se sont pas rébellés contre le maudit fils du maudit, Bachar ibn Hafid al-Assad, le mécréant fils du mécréant. Ils n'ont pas amené et fait un combat de musulmans contre mécréants. Non. Ils n'ont pas fait ce combat pour la aqida. S'ils étaient conformes à la sunna, ils se seraient pas révoltés contre lui. Ils seraient pas soulevés contre lui. Ni rébellés contre lui. Il dit, Hafidhahullah, fal'an, unzuru Syria. Farrajallahu anha. ونفس كربتها ما بين قتيل وشريد حتى أنهم وصل بهم الأمر أو ببعضهم لا أن يأكلوا القطط خارج سوريا. وقد كانت سوريا فرج الله عنها بلد خيرات وأمن وأمان، خيراتها واسعة يرتادها من يرتادها من المسلمين وغيرهم للنيل من خيراتها بأرخص الأسعار سكنا وأكلا وغير ذلك. والآن أين هي؟ دمرت. اللي حفظه الله. Regardez la Syrie maintenant. Qu'Allah la délivre. Les Syriens sont entre morts et exilés en dehors de leur pays. Certains ont mangé des chats en dehors de Syrie. Qu'Allah délivre la Syrie. C'était un pays de bien, c'était un pays de sécurité. Les biens de ce pays étaient immenses. Les musulmans venaient de différents pays pour profiter des biens de la Syrie. Même les non-musulmans venaient vers la Syrie pour profiter de ces biens. La vie était pas chère en Syrie, que ce soit au niveau des logements, que ce soit au niveau de la nourriture ou autre. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Il a été détruit. Il a été détruite. Qu'Allah délivre la Syrie et qu'Allah soulage les habitants de Syrie. Et il dit, Hafidhahullah, wa min fawaid hadha al-hadith anna al-imama idha ta'arrada lahu man yata'arrad aw ya'ti man ya'ti lil-nayl mimma 'indahu an yubashshirahum bil-khayr ويدخل السرور عليهم ويتلج صدورهم بالكلمة الطيبة ويعطي بقدر مكنته كما قدمنا. لا يجب على الإمام أن يوظف الناس كلهم ولا أن ينفق على الناس كلهم، هذا حسب قدرته. ثم في عصر اليوم ليست المسألة مقصورة على الأعطيات من نقود وطعام وغيرها، بل واجبات الحاكم كثيرة، شؤون صحية، شؤون اجتماعية، شؤون خدمية، انفاق على جيش لسد الطغور وغير ذلك. Il dit, حفظه الله. Et parmi les leçons de ce hadith, quand quelqu'un vient voir le gouverneur pour avoir quelque chose, il demande quelque chose au gouverneur, le gouverneur doit lui annoncer le bien et lui prodiguer la joie et l'apaiser. Et apaiser son cœur avec des bonnes paroles et lui donner selon ses capacités. Ce n'est pas obligatoire que le gouverneur donne des postes à tout le monde, ni des pensées pour tout le monde. Mais cela s'accomplit selon les capacités du gouverneur. Il dit de nos jours, en ce qui concerne les dons du gouverneur, ils s'accomplissent de différentes façons. Ce n'est pas limité tout simplement à l'argent donné à tel ou tel seulement. Les obligations du gouverneur aujourd'hui sont nombreuses. Hein? La santé, le social, les routes, les dépenses militaires et autres, les dépensées, hein, pour garder les frontières. Et il dit, Hafidhahullah, fal'an, yu'ani al-muslimouna حكاما ومحكومين إلا من رحم الله من خوارج العصر داعش ومن لف لفها. فهي تكلف الحكام ما لا يعلمه إلا الله من الجهد في المال وتوفير العساكر ذوي القدرات على صد العدو. Il dit Habibullah, aujourd'hui les gouverneurs musulmans ainsi que leur population sont éprouvés, sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a couvert de sa miséricorde, sont éprouvés par les khawarij de ce siècle, Daesh et ceux qui leur sont similaires. Le combat de cette tendance demande beaucoup d'efforts aux gouverneurs. Il n'y a qu'Allah qui sait les moyens financiers et les moyens militaires et les efforts déployés par les gouverneurs pour faire face à cet ennemi. Il dit حفظه الله وهذا البلد خصوصا هو المستهدف لأنه قبلة المسلمين ومنه انطلقت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فمن ظفر بأهله ونسأل الله أن يسدهم ويجعل كيدهم في نحورهم دانت له جميع أقطار المسلمين. Il dit حفظه الله et ce pays en parlant de l'Arabie Saoudite est plus particulièrement visé car c'est la Qibla vers laquelle s'orientent les musulmans. Et c'est ce pays d'où est parti le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a le pouvoir sur ce pays, les autres pays vont lui être soumis et le suivre. Qu'Allah détourne leur mal contre eux et protège ce pays. Amin. Il dit, Habidahullah, « Fala tastaghribu, ya ahl al-islam » أن يستهدف هذا البلد وأهله وذنبه وذنبه أنه بلد التوحيد والسنة فوالله وبالله وتالله لا يوجد بلد توحيد وسنة حكاما ومحكومين إلا أهل هذا البلد في بقية الأقطار الإسلامية كثير ولله الحمد من أهل التوحيد والسنة أما التأسيس فلا. Donc il dit, Habibullah, ce pays, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, est plus particulièrement visé. Et il dit, ne soyez pas étonnés aux gens de l'islam que ce pays soit la cible. Car son seul péché, c'est que c'est le pays du monothéisme et de la sunna. Par Allah, il n'existe pas un état du monothéisme et de la sunna, que ce soit les gouverneurs ou les populations, sauf ce pays. Il dit, dans les autres pays musulmans, beaucoup de gens sont des monothéistes. Beaucoup de gens sont des gens de la sunna. Mais la fondation, l'État, ce n'est pas ça. Et il dit, l'Arabie Saoudite est fondue sur le monothéisme et sur la sunna. Voilà ce que veut dire, cher. Et ceci est une réalité. C'est un État qui a été fondé sur la sunna et le monothéisme. Dans les autres pays, il y a beaucoup de musulmans, beaucoup de sunnites, beaucoup de monothéistes. Personne ne rejette cela. Alors que l'État de l'Arabie Saoudite, il est basé sur le monothéisme et la sunna. Et ceci, c'est une réalité qu'on ne peut pas rejeter et qu'on doit reconnaître. Et il dit, « Habibullah, وَقَدْ بَسَطْتُ لَكُمْ مِنْ خِلَالِ عَرْضِنَا وَنَقْدِنَا لِقَاعِدَةِ الْمَعْدِلَ وَالتَّعَاوُنِ أن في كثير من بلاد المسلمين عبادة القبور والتقرب لها والنذر لها وغير ذلك وهذا البلد هو بلد التوحيد والسنة بحكامه وأهله فتفطنوا يا أهل الإسلام من المواطنين في هذا البلد ومن الوافدين علينا. Il dit حفظه الله, je vous ai détaillé cela lors de notre critique de la règle de l'excuse et de l'entraide. C'est quoi la règle de l'excuse et de l'entraide? C'est cette règle sur laquelle est basée la secte des Ikhwan. On se réunit sur les choses sur lesquelles on est d'accord et on s'excuse sur les choses sur lesquelles on est en divergence. C'est pour ça que ils se réunissent avec Rafida, avec des mécréants et avec des associateurs sans aucun problème. Il dit, Habibullah, je vous ai détaillé cela lors de notre critique de la règle de l'excuse et de l'entraide. Que dans beaucoup de pays de l'islam, il y a l'adoration des tombes. Et on se rapproche des tombes par des sacrifices et par des vœux et autres. Et ce pays, dire le pays de l'Arabie Saoudite, c'est le pays du monothéisme et de la sunna. Gouverneur et gouverné, soyez éveillés, ô citoyens, Ô citoyens habitant ce pays, et vous aussi qui résidez parmi nous, soyez veillés à cela. Il dit Hafidhahullah, وأذكر لكم مثالا وقد ذكرته كثيرا أنه لما حدث غزو صدام البعثي للكويت أهل السنة في الهند وباكستان وغيرهما يدعون لنصر حكومة المملكة العربية السعودية وينشرون ما يقدرون عليه من كتب ونشرات مطويات. لماذا؟ لأن هذا البلد هو بلد التوحيد والسنة. Il dit, Hafidhahullah, et je vous cite un exemple que j'ai cité beaucoup de fois. Quand Saddam al-Ba'thi a envoyé le Koweït, les gens de la Sunna, en Inde, au Pakistan, et dans d'autres pays, implorent Allah pour que triomphe le royaume d'Arabie Saoudite. Et ils ont propagé et propagent ce qu'ils peuvent, comme flyers et autres, concernant les bienfaits de ce pays. Pourquoi? Car c'est le seul pays du monothéisme et de la sunna. يقول وفيه من الفوائد تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولهذا قال فوالله ما الفقر أخشى عليكم. نحن نلمس فيما زرناه من بلاد المسلمين من شبه الجزيرة وغيرها أن أكثر من يعتاد المساجد ويتحلق حول المحاضرات والدروس وتمتلئ بهم مساجدهم أهل قلة ذات اليد ليس عندهم شيء يشغلهم. هذا أول تحذير. Il dit حفظه الله. Il y a dans ce hadith la leçon suivante. L'avertissement du prophète عليه الصلاة والسلام contre ce bas monde. C'est pour cela il a dit عليه الصلاة والسلام par Allah ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous. Il dit, Hafidhahullah, nous avons remarqué de par les visites que nous avons faites dans certains pays de l'islam, en péninsule et dans d'autres pays, que la plus grande partie des gens qui ont l'habitude de venir aux mosquées et qui assistent aux assises de science et aux conférences, ce sont les gens moyens qui n'ont pas beaucoup de choses qui leur prennent leur temps et qui ne sont pas préoccupés par trop de ce bas monde. Hein? Il dit ça, c'est l'un des premiers avertissements contenus dans ce hadith. C'est un premier avertissement contre ce bas monde qui est contenu dans ce hadith. Que le bas monde ne te détourne pas. Que la recherche du bas monde ne soit pas au détriment de ta religion, de l'apprentissage de celle-ci, de tes obligations religieuses vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de ses serviteurs et ainsi de suite. يقول حفظه الله فكان سائلا سأل لماذا يا رسول الله قال أخشى أن تبسط عليكم كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم في رواية وهذه الرواية التي بين أيدينا ألهتهم. Donc il dit c'est comme si quelqu'un a posé la question suivante: pourquoi au messager d'Allah? Il a dit, alayhi salatu wassalam, je crains qu'avec l'accès ou largesse de ce bas monde, comme on en a bénéficié vos prédécesseurs, que vous rivalisiez à amasser les biens, fait les biens de ce bas monde, qui vont vous faire périr, comme ils ont fait périr ceux qui vous ont précédé. Dans une version, ce bas monde va vous faire périr comme il a fait périr ceux qui vous ont précédé dans une version. Et la version citée au début de l'assise est que ce bas monde vous destrait comme il les a destrait. Et vous avez qu'à voir, hein? Combien certains, parmi nos frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné une certaine largesse, combien ils courent, hein? Au détriment de beaucoup d'obligations. Hein? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés de beaucoup de bienfaits. Et donc, et cela nous prouve, hein, ce que les avertissements que nous a fait le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous devons y faire très attention, chercher son bas monde. C'est pas un problème. Mais il faut préserver son au-delà. Il faut préserver les droits d'Allah et les droits des autres. Il faut pas que ça soit au détriment de l'au-delà. Il faut pas vendre le vil avec le plus cher et l'éternel. يقول حفظه الله أقول ما يؤتاه الناس من متاع الدنيا وأعني به الدراهم والدنانير قسمان الأول ينفق منه أهله في وجوه الخير سلطهم الله عليها فأهلكوها في الحق فهؤلاء لا تضرهم الدنيا يدي حفظه الله جدي ce qui est donné aux gens comme bien, comme argent, comme fortune dans ce bas monde et de deux sortes. Il dit la première sorte, ceux qui l'ont dépensé dans les voies du bien. Et ils l'utilisent et le dépensent dans les voies de la vérité. Et cela, le bas monde ne leur fait aucun mal. Donc, deux catégories de personnes sont comblées avec les bienfaits d'Allah et la fortune. Certains ne négligent pas les droits d'Allah et cette fortune, ben, ils l'utilisent pour, dans les voies de la vérité, dans les voies du bien. Et cela, la fortune ne leur fait aucun mal. يقول حفظه الله الثاني من تغلغلت الدنيا في قلوبهم واستحوذت عليهم وشغلتهم عن الآخرة فلم يعودوا يعرفون معروفا ولم يعودوا ينكرون منكرا إلا ما أوتوه من الدنيا واسمعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر عبد آتاه الله علما ومالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار ويعرف لله فيه حقه ويتقي فيه ربه فهذا بأفضل المنازل وعبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية يقول لو كان لي مثل مال فلان لعملت بعمل فلان أو قال لو كان لي مال لعملت بعمل فلان قال فأجرهما سواء أخرجه الترمذي اللي حفظه الله la deuxième sorte de fortune c'est celle qui est donnée aux gens dont les cœurs sont accaparés par ce bas monde et qui se sont occupés de ce bas monde au détriment de l'au-delà. Ils ne connaissent plus aucun bien, ils ne blâment aucun mal, ils ne reconnaissent que ce qu'ils obtiennent de ce bas monde. Et écoutez la parole du messager alayhi salatu salam, dans ce hadith rapporté par Tirmidhi, rahimahullah, qui dit ce bas monde est pour quatre personnes. Un serviteur à qui Allah a donné la science et la fortune. Il la dépense nuit et jour et il reconnaît dans cette fortune les droits d'Allah. Et préserve les droits d'Allah concernant cette fortune. Et ceci est le degré le plus méritoire. Ceci est un degré très méritoire chez Allah. Et un soumis à qui Allah a donné la science sans la fortune. Et il est véridique dans son intention. Il dit, si j'avais la même fortune que tel, j'aurais fait comme lui. Ou il a dit, si j'avais de l'argent, j'aurais fait comme tel. Ils sont égaux dans la récompense. Et il dit, حفظه الله, فالأول غني شاكر ينفق مما أتاه الله يعرف في ماله حق الله وحق عباده فرفعوا ذلك إلى أعلى المنازل والثاني فقير صابر نيته صادقة فبلغه الله سبحانه وتعالى مبلغ ذلك بذاك بنيته الصادقة إلدي حفظه الله Le premier est un riche reconnaissant qui dépense de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyé, et il reconnaît les droits d'Allah concernant cette fortune, et il reconnaît les droits des serviteurs d'Allah Allah l'a élevé à ce haut degré. Le deuxième, un pauvre patient, avec une bonne intention, une intention véridique. Allah lui a donné le même degré que l'autre par le biais de son intention véridique. Il dit, Hafidah Allah, وَبِهَذَا يُعْلَمَ النَّنِّيَ الصَّادِقَ يَبْلُغُ اللَّهُ بِهَا صَاحِبَهَا مَبْلَغَ الْعَامِلِ وَفِي هَذَا حَدِيثٌ كَثِيرًا. Il dit, Hafidah Allah, et avec cela on sait que la véracité de l'intention met la personne et élève la personne au niveau de ceux qui œuvrent, et à ce sujet il y a plusieurs hadiths. Il dit, Hafidah Allah, قال وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير الحق لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله في حق فيه حقه فذلك بأخبت المنازل وعبد لم يؤتي الله علما ولا مالا فهو يقول لو أن لي مالا لفعلت مثل فلان. يعني لماذا؟ ماذا يريد؟ أن يتخبط ويرتع في المال غير عابئ بحق لله ولا لعباده فبلغ بنيته الخبيثة مرتبة ذاك الخبيث لعبة الشيطان. Il dit, حفظه الله, et dans la suite du hadith, le messager a dit, il y a un serviteur à qui Allah a donné la fortune, mais il lui a pas donné de science. Et il agit très mal dans cette fortune. Il agit injustement dans cette fortune. Il ne préserve pas les droits de son Seigneur concernant cette fortune. Et il n'entretient pas avec le lien de parenté. Il ne connaît pas les droits d'Allah dans cette fortune. Celui-là est dans l'impure situation. Et un serviteur à qui Allah n'a pas donné ni science ni fortune. Il dit, si j'avais l'argent de l'autre, j'aurais fait comme lui. Il veut quoi? Il veut faire n'importe quoi avec l'argent, sans prendre en considération les droits de son Seigneur, ni les droits de ses serviteurs. Avec son intention impure, il est arrivé à la situation impure de l'autre. Et celui-là est devenu un jouet du shaitan. Yaqulu hafidhahullah, ثم الناظر في مؤثر الدنيا والانشغال بها ماذا يرى من أحوال الناس كم من رحيم موصولة فقطعت وكم من ظلم كان من هذا المؤثر على الآخرين فتعدى على أموالهم بما قدر عليه وكم من صداقة تحولت إلى عداوة وكم من محبة استحالت بغضا وكم من نفس أزهقت من أجل الدنيا لأدفع الأسباب. Et il dit, Habidahullah, et celui qui regarde et qui médite, la situation de ceux qui font prévaloir ce bas monde, ils s'en occupent. Que voit-il à travers leur situation? Il dit, combien de liens de familiaux sont coupés par cela? Combien de préjudices commis par cela? Sur autrui. Et ceux-là font tout ce qu'ils peuvent pour léser les autres de leurs droits, de leur argent. Et il dit, combien d'amitié a changé en haine et en aversion? Tout ça à cause de soi, à cause du fait de s'acharner sur ce bas monde et de rivaliser sur ce bas monde. Il dit, combien il y a eu des morts, de morts pour des causes viles parmi les causes de ce bas monde. Yaqulu hafidhahullah, fa'thabiru ya ulil absar, wa jahidu anfusakum ala az-zuhd fi ad-dunya, wa la tatajawaza ma ahallahu laka ayyuha an-nasih li nafsihi al-hazim fi amrih. Il dit, hafidhahullah, ou vous qui est doué de raison et de clairvoyance, prenez la leçon et faites des efforts concernant ce bas monde. Et ne dépassez pas ce qu'Allah vous a félicite. Vous qui êtes digne du conseil pour vous-même et ferme dans votre situation, Faites attention. Ne transgressez pas. Et accomplissez les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il vous a comblé avec. قال حفظه الله فكون العبد يسعى في تحصيل ما طاب له من المطاعم والمشارب والمناكح على الوجه الصحيح وإعفاف نفسه وأهل بيته فلا ضير عليه ولا حرج عليه ليكسب من الدنيا ما شاء من وجه حله وإنفاقه في محاب الله ومراضي من النفقة الواجبة وصلة الرحم والبر وجميع أنواع الخير إلى حفظه الله كل السيرفيتور cherche à obtenir la meilleure des nourritures, le meilleur des logements et la meilleure boisson et les meilleurs mariages légiférés, qu'il le cherche et que ça lui, hein, qu'il cherche ce qui va le satisfaire, il satisfaire sa famille, ce qui va lui suffire, il suffire sa famille. Il n'y a aucun mal à cela. Il n'y a aucune gêne dans cela. Et qu'il gagne ce bas monde. Et ce qu'il faut de ce bas monde, d'une façon licite, d'une façon légiférée, et qu'il le dépense dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée parmi les dépenses obligatoires et surrogatoires, et qu'il entretient avec les relations familiales et les dépenses dans toutes les voies du bien. Hein? Cheikh, il dit, il n'y a pas de mal au fait de chercher à être bien dans ce bas monde. Mais il faut préserver les droits d'Allah et que ce ne soit pas au détriment de l'au-delà. Il faut utiliser ces biens de ce bas monde pour construire la demeure éternelle dans l'au-delà. Fasse Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, an yushafiya shaykhana, wa an yutila umurahu fi ta'atih, wa an j'alna wa iyaakum min alladhina yastami'una al-qawla, فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.